c'est fait. Oh my excellent. God. On remercie Yann pour la portion podcast envahisseur. Faut que tu changes ton profil. Tu es toujours à Chambly, hein? Ah oui, je vais changer. Hey, on reste en ligne jusqu'à temps que tu sois à 100. Non, non. Ah oui. Follow. 100. Il en reste 3. On le suit tout? JM underscore Boily. Hey, vas-y. Allez sur le concours de Coopcam. Ouais. On ne sait plus quoi dire. On va terminer ça. On va terminer ça là. Dans 3, 2, 1. Vas-y, Jeff. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.